Slimane. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de votre zone d'écoute. Voici les grands titres de ce journal. La Fédération de football du Burundi en ligne de mire de la Fédération internationale de football FIFA pour des paris sportifs illégaux. 8 joueurs sont pour le moment incarcérés. Vous en saurez davantage avec le président de la commission chargée des compétitions à la FFB. Le contrat d'exploitation minière signé entre le gouvernement du Burundi et la nouvelle société Sotrevo inquiète plus d'un. Vous entendrez tour à tour le président du parti Uprona, spécialiste dans ce domaine. Le transport rémunéré vers l'intérieur du pays reste problématique. Notre reporter a constaté qu'au parking dit Côte-Bou, des passagers peuvent passer 2 jours à attendre un moyen de transport. Voilà pour le sommaire. La FIFA a récemment adressé un avertissement à la Fédération burundaise de football FFB dans le but de juguler les paris sportifs illégaux lors d'une réunion que le président de la FFB a organisée ce mardi à l'intention des présidents des clubs de la première division et les capitaines de ces équipes. Elle a indiqué que 8 joueurs sont pour le moment incarcérés après avoir été attrapés en flagrant délit dans ce pari sportif illégal. Youssouf Mossi, président de la commission chargée des compétitions à la FFB, exhorte les joueurs professionnels à éviter le betting du fait que ce comportement peut freiner le développement du football burundais. Suivez-le. L'objectif de la réunion, c'est tout d'abord de sensibiliser les clubs, toutes les parties prenantes, donc les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, pour les sensibiliser sur la manière d'abandonner complètement ces paris illégaux. Alors, ce que la FFB a fait aujourd'hui, c'était d'abord de partager avec les clubs l'expérience vécue dans d'autres pays. Nous avons le président de chargé de cette commission de sécurité qui vient de participer à un atelier du genre à l'extérieur, donc commandité par la FIFA, où il a pu bénéficier de l'expérience, comment ça se passe dans d'autres pays. Parce que nous, c'est encore le début, mais les autres pays, il y a des pays qui ont déjà coulé complètement. Et au niveau des paris illégaux. Et selon vos enquêtes, qui sont impliqués dans ce genre de paris illégaux? Les enquêtes déjà effectuées, parce que c'est fait effectué par la police, donc les organes judiciaires du pays. Certains joueurs sont déjà impliqués, et certains sont même aux arrêts, et les enquêtes continuent, les interrogatoires continuent, et nous osons espérer que ce ne sont pas les seuls joueurs ou les seuls entraîneurs qui sont impliqués. Nous allons continuer à investiguer beaucoup plus, et s'il le faut, d'autres personnes seront aussi mises aux arrêts pour essayer de couper court à cette pratique malsaine qui ne fait que détruire ou dégrader notre football. Et après cette réunion d'aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est que, comme certains clubs l'ont demandé, la commission de sécurité sera renforcée par des gens qui vont s'occuper de l'intégrité sportive. Et à partir de là, ils vont se mettre ensemble avec certains délégués des clubs pour essayer de travailler beaucoup plus et prévenir toute action malsaine visant à perpétuer les paris illégaux au niveau du football. Youssouf Mossi, c'est le président de la commission chargée des compétitions à la Fédération de football du Burundi, FFB. Le parti Uprona dit avoir des soucis sur les capacités techniques et financières de la nouvelle société Sotrevo qui vient d'avoir l'autorisation d'exploiter les minerais dont la cassiterite de Murehe en province Kirundo. Olivier Nkurunziza, président de cette formation politique, trouve que la dite société n'a pas fait d'études d'impact environnemental. Elle n'est pas non plus connue du public. Un autre point sur lequel il dit avoir des soucis, c'est la passation de marché au moment où ses réserves de minerais de plus de 12 millions de tonnes de cassiterite et autres minerais associés ont été trouvées par l'entreprise Boumeco. On l'écoute. Mes soucis depuis longtemps, quand le chef de l'État a communiqué que la société Boumeco a trouvé 12 millions de tonnes de cassiterite en province Kirundo, ce qui était étonnant pour moi, c'était d'entendre qu'on disait 12 millions 700. Ça prouve que vous avez fait des études de faisabilité avec des précisions extraordinaires. Alors, ça m'a fort inquiété. C'est la raison pour laquelle on demandait que effectivement qu'il y ait d'autres études. On n'a pas précisé que ce sont des minerais bruts ou minerais concentrés. Et dans le cassitérite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de l'étain. L'étain qu'on va encore pouvoir retirer du cassitérite, qui est le prix sur le marché. Mais à ma grande surprise, c'est d'entendre qu'il y a une société qui va remplacer Boumeco sans toutefois faire des études de faisabilité technique et des études de faisabilité économique. Quel moyen qu'on va utiliser pour exploiter? Ça sera d'une façon exploitation industrielle, de semi-industrielle ou artisanale. Pour moi, j'ai la peur qu'on va continuer et on verra que ce sont des creuseurs. Et ça sera de la même manière que les sociétés que nous avons vues ici au Burundi qui sont venues et sans toutefois faire même des études et qui demandent les délais de grâce pour se rembourser les fonds utilisés dans les recherches alors qu'ils n'ont rien fait comme études. Alors c'est la perte pour le pays. Alors si j'essaie d'analyser, le concessionnaire était la Comebu. Et Comebu a cherché un sous-traitant. Alors, selon mes informations et les sources, je sais que Sotrevo, c'est une société d'origine burundaise. Des Burundais et quelques étrangers. Alors, moi, j'ai des inquiétudes sur leur capacité technique et financière. Aussi, pour moi, c'est la transparence. Il devrait y avoir appel d'offres internationales et nationales pour que les sociétés qui sont capables de se missionner, qui sont capables de se présenter, devraient être là. Mais accepter qu'il y a une société formée par un groupe de gens et que le gouvernement asseye et statue, cela montre qu'il y a un peu d'obscurité. Dans ce genre de minerais, il faut qu'il y ait la transparence parce que les minerais, c'est pour les Burundais, c'est pas pour un groupe de gens ou des personnes. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, estime que les 20% qu'aura le gouvernement burundais dans cette exploitation sont conformes au code minier burundais. Malgré cela, le secteur des minerais au Burundi reste opaque, dit-il. Même analyse du côté de Prudence Bararunyeretse, spécialiste des minerais et doyen de la faculté des sciences à l'université du Burundi. Il espère que cette société dispose des compétences requises pour ne pas fonctionner comme d'autres entreprises qui ont opéré dans ce domaine sans jamais verser de revenus dans le trésor public. Il suggère également au gouvernement de veiller à la mise en œuvre effective des contrats signés et de s'assurer que l'entreprise opère en toute transparence. Suivez-le. Le Code des miniers, dans ses articles 66, 93 et 163, précise que l'État, en tant que propriétaire du sous-sol, a le droit de participer au capital social d'une société minière à hauteur de 16%, ce qui est une amélioration par rapport au code précédent parce que c'était 16%. Donc, et qui sont augmentés de 5% à chaque renouvellement du contrat. Donc, sur ça, on voit donc que ce qui nous a été communiqué rentre dans les limites de ce qui est prévu par le code minier. Le code minier précise aussi que l'État et les opérateurs économiques burundais disposent d'un droit de préemption pour une acquisition de part du capital social dans les sociétés d'exploitation minière. Ce qui augmente aussi des bénéfices qui entre au pays, je me dis. Même si ce qui nous a été communiqué ne le précise pas, mais les contrats miniers précisent aussi des engagements des sociétés minières vis-à-vis du développement communautaire des pays où les sociétés opèrent. Ici, je peux dire les engagements en termes d'infrastructures, les engagements en termes de renforcement des capacités des nationaux, les engagements en termes de développement socio-économique sous divers aspects. Les Burundais devraient être vigilants par rapport à d'autres aspects. Ici, je peux donner quelques exemples de ces aspects. Il y a d'abord la transparence des contrats. Il y a le respect des dispositions fiscales, les exigences de responsabilité sociétale des entreprises. Il y a le rapatriement des devises. Parce qu'on a vu dans le passé où on s'est plaint que les exploitants miniers, lorsqu'ils exportent les minerais, les devises ne reviennent pas à la BRB, alors que les contrats le précisaient ainsi. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la capacité même de la société. Est-ce que cette société a les capacités de répondre à ces engagements? Parce qu'on a vu dans le passé, on a vu des sociétés qui viennent signer des contrats et pour partir, ne plus revenir ou arrêter le travail en cours de route sans qu'on puisse gagner quoi que ce soit. Parce qu'on a besoin des opérateurs fiables qui travaillent, qui gagnent. Prudence Bararunyeretse, spécialiste des minerais et doyen de la faculté des sciences à l'université du Burundi. Insuffisance de véhicules faisant le transport rémunéré vers l'intérieur du pays. Certains passagers voulant voyager à partir du parking Kotebu en zone Ngagara disent qu'ils peuvent attendre jusqu'à 2 jours sans trouver aucun moyen de transport. Même cher, comme ils y étaient habitués pendant ces fêtes de fin d'année, les conducteurs de ces véhicules expliquent que cette situation est consécutive au manque de carburant. Reportage d'Ornella Mouch. Arrivé au parking près du marché de Kotebu, desservant l'intérieur du pays, basé dans la zone urbaine de Ngagara, les bus de transport ou de véhicules de type Probox étaient insuffisants et comme conséquence, les passagers qui veulent se déplacer de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays, surtout dans les provinces Gitega, Karu et Kayanza étaient désespérés à attendre sans savoir s'ils vont finir par trouver le moyen de transport vers ces destinations. Les véhicules qui étaient plus ou moins disponibles étaient ceux qui se dirigeaient vers différentes communes de la province Mulambia, la province qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Bujumbura. Je viens de passer 30 minutes à attendre le bus ou le probox de transport vers l'intérieur du pays. Je vais attendre et je ne sais pas jusqu'à quand. Il y a vraiment insuffisance de ces véhicules. La situation n'était pas pareille l'année passée et encore moins dans les périodes de fin d'année, car il n'y avait pas de tracasserie. Le problème actuel est lié au manque de transport vers l'intérieur du pays. On peut passer 2 jours à chercher le moyen de transport sans en trouver. Ce qui est plutôt tolérable, c'est le prix du ticket du transport. Une fois bien sûr que tu parviens à avoir le véhicule de transport. Les conducteurs de ces véhicules disent que la situation s'est empirée suite au manque de carburant et révèlent que s'ils parviennent à en avoir, ils achètent à un prix élevé. Ce qui explique pour certains le non-respect du prix officiel du ticket de transport. Ces files d'attente sont liées au manque de carburant. La plupart achètent ce carburant au marché noir et aux prix élevés. Nous avons même l'application Igitoro Pass, mais ça ne change rien parce qu'on peut passer même un mois sans trouver où s'en approvisionner. Tous demandent au gouvernement de faire le tout possible pour trouver une solution durable à ce problème lié au manque de pénurie répétitive de carburant au Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains habitants du quartier Tenga dans la province de Bujumbura sont préoccupés par la question de manque d'eau potable. Ils déclarent ne pas comprendre pourquoi leur quartier n'est pas alimenté en eau, alors que les tuyaux d'alimentation ont été installés dans ce quartier depuis longtemps, précisant qu'ils puisent de l'eau dans la zone proche de Rubirizi et à Muzinda, où un bidon de 20 litres leur coûte un prix variant entre 500 et 1000 francs burundais. Ils demandent à la régie des eaux de tout faire pour alimenter ce quartier en eau potable. Jean-Marie Mayonga. Certains habitants du quartier Tenga qui affirment que le manque d'eau potable reste un grand problème et disent qu'ils puisent de l'eau dans les quartiers proches jusqu'à Muzinda par vélo. Ils expliquent également qu'un bidon de 20 litres coûte entre 500 francs et 1000 francs burundais. Ces habitants signalent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont installé les tuyaux d'alimentation dans ce quartier, mais qu'ils ne fournissent pas de l'eau. Le manque d'eau potable est casse-tête, car l'eau que nous buvons provient de Muzinda et ailleurs. Et ce sont les conducteurs de vélo qui font le transport. Pour un bidon de 20 litres, nous payons 1000 francs. Nous avons un problème sérieux de manque d'eau potable. Il y a les tuyaux de connexion pour le passage de l'eau, mais on ne sait pas pourquoi nous n'avons pas d'eau. Je viens de puiser de l'eau à Rwilidi, où j'ai acheté un bidon pour 100 francs, même 200 francs. Ce problème de manque d'eau est affirmé par Daniel Nunzwinimana, chef de cellule Tenga rurale, qui dit qu'il y a des tuyaux d'alimentation mais qui ne fournissent pas d'eau potable. Il signale qu'il se rendait dans d'autres quartiers pour avoir de l'eau à boire. Ses habitants demandent à la régie des eaux de tout faire pour vider ce problème de manque d'eau potable dans le quartier Tenga. Nous demandons aux concernés, notamment la régie des eaux, de résoudre ce problème. Et commençant par les chefs de quartier, il faut qu'ils interviennent pour avoir de l'eau. Lors de notre passage dans le quartier Tenga, quelques robinets installés, le constat a été qu'ils ne fournissent pas de l'eau potable quotidiennement. Jean-Marie Mayong. Les détenteurs des anciens compteurs électriques en province Gitega réclament leur remplacement gratuit par des compteurs électriques Cash Power, tels que promis par la régie des eaux depuis environ 4 ans. Ils estiment que les compteurs Cash Power favorisent une gestion rationnelle de l'électricité. Le chef d'antenne de la régie des eaux au centre-est du pays tranquillise, annonçant que ce remplacement sera fait le moment venu, sans toutefois préciser quand. Gérard Nibigira. Ces habitants de Gitega qui ont encore des compteurs électriques classiques disent que c'est depuis les années 2020 que la régie des eaux leur a promis de remplacer gratuitement ces compteurs par des compteurs électriques Cash Power. Cependant, cette promesse n'est pas encore concrétisée, d'où ils se demandent si elle a été annulée ou si elle est toujours valable. Ils demandent donc qu'elle soit honorée comme convenu et cela le plus vite possible. Ils expliquent que ce qui les pousse à préférer ces compteurs Cash Power, c'est qu'ils permettent une consommation responsable de l'électricité du moment que chacun achète les unités proportionnellement à ses moyens et ainsi la gestion devient plus rationnelle, contrairement aux compteurs électriques classiques qui, des fois, tendent à favoriser le gaspillage de l'électricité, voire l'oubli de payer l'électricité consommée, ce qui aboutit souvent à la coupure d'électricité par la régie des eaux dans des ménages insolvables. Le chef d'antenne régie des eaux, région centriste, invite Nibaruta les tranquillise, révélant que quand le moment viendra, les compteurs classiques seront remplacés par les compteurs Cash Power, sans toutefois préciser quand. Il demande aux intéressés d'attendre patiemment. Vous saurez que le remplacement des compteurs classiques par les compteurs Cash Power a été fait dans les écoles et dans les services publics et privés, et cela depuis les années 2020. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. En Guinée, la page de la transition militaire ne se fermera pas ce 31 décembre 2024. Initialement, c'est ce mardi à minuit que devait s'opérer le retour à l'ordre constitutionnel, comme le général Mamadi Doumbouya et la junte du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD s'y étaient engagés avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il y a 3 semaines, le gouvernement a confirmé que la date butoir ne serait pas tenue, évoquant une deuxième phase dite de la refondation de l'État, plus de 3 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé le régime d'Alpha Condé. À partir du 6 janvier prochain, les forces vives politiques et la population affirment qu'elles ne reconnaîtront plus le pouvoir au-delà du 31 décembre 2024 et organiseront des manifestations. Et le nouveau pouvoir syrien multiplie les nominations. Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué. Et sans surprise, on y retrouve des membres des groupes armés rebelles puisque leur dissolution a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants promus officiers compte aussi des djihadistes étrangers. Enfin, alors que la Russie a annoncé lundi en échange de 150 soldats prisonniers de chacun des deux camps, le président ukrainien a annoncé le retour de 189 prisonniers ukrainiens, dont 2 civils capturés à Mariupol. Les Émirats arabes unis ont une fois de plus servi de médiateur dans ce nouvel échange de prisonniers. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il ne me reste que à vous souhaiter une très bonne année 2025. Jean Bosco, Douimane.